truth's coming. C'est bon comme ça. Girl, take a look. Of time to drive me far away. There's nothing. No, I'm there no burning. suite et il faudrait changer de riff. D'ailleurs carrément faire une pause avec presque du silence et essayer d'écouter et de partir sur une autre tonalité, quelque chose de différent. Tu vois ? Bonsoir Benjamin. Essaye de trouver une tonalité à deux.